1. À quoi bon continuer si le cœur n'y est plus? À quoi bon s'obstiner, pourtant j'y ai cru. À mes actes manqués, je pourrais trouver mille excuses. Tous les combats que j'ai perdus n'arrêtent pas de me hanter. Il s'en faut le peu pour que tout ça m'anéantisse. Que je lâche et que je m'enlise, me détruise la santé. Que je me mette une balle dans le pied, on crève plus que ça. Tête haute, fierté, je fais mon truc seul. Tout seul dirigé vers l'est, ils veulent diverger mes lèses. Qui vivra, verra, payera la douloureuse. Réalisera que tout n'était que de la poudre aux yeux. Remballez votre course au buzz. Nika le botomise et des altos boutonneux. Les adultes sont pas en reste, ils prennent pour argent comptant n'importe quel propos douteux. Que des retournements de veste, je suis foutrement gaise. Tout ce que j'aimais finit par ressembler à tout ce que je déteste. Tout ce qu'on dénonçait, y'a comme une couille dans l'énoncé. C'est con mais j'ai sûrement merdé aussi, c'est possible. MC va ranger ta chambre, on a pas les mêmes soucis. J'en vais braquer la chance, la fleur au bout du fusil. Tout le monde pète une jury, fermeture d'usine. Tu peux servir de fusil, rien dans les poches. Me rapproche des miens dans l'effort. Réflexe de survie, travail de fourmi, les projets prennent genre. J'ai ramé une fois des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des miens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué, pris le droit de m'évader? J'ai ramé une fois des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des miens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué, pris le droit de m'évader? Pourquoi le bonheur n'arrive qu'aux autres? Je crois que j'ai tout fait, ils m'ont sorti la tête de l'eau. Pour m'étouffer, partie de zéro, fais gaffe aux faux. Ils vont me bouffer, oui je fais partie des fauves. Des pauvres à qui l'on retient pas le CV. Tu sais que c'est vrai. Et je suis parti de rien, loin d'être casé. Vu que mon casier leur semble plutôt plein. La pluie trop bien viendra couvrir mes larmes. Y'a pas d'alarme, c'est face à l'arme. Que tu fuis, pour rien, déterminé. Plein de haine du cœur au vent. Si j'ai du mal à dire je t'aime, c'est que je me suis ramassé que des vents. Parti de rien, j'apprends à kiffer le minimum. L'écoute de la vie c'est rien et ça fera pas de moi un minimum. Toujours sourire, même si ça va mal je la ferme. J'aimerais bien m'ouvrir mais souffrir n'en vaut pas la peine. Donne-moi un thème, une prod, que je te mélange le tout. Oui ça vient de hier, side boy, tout droit sorti du trou. J'ai ramé une fois des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des biens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué? Pris le droit de m'évader. J'ai ramé sous le poids des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des biens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué? Pris le droit de m'évader. Je vais pas dire j'suis parti blindé à la base. Et rinté, j'bois la tasse pour tenir la longueur sans oublier ces claques. J'ai pris maintes fois à la face. On part de rien et de ce bâtard, j'deviens chien à trois pattes. C'est ce qu'on appelle la vie d'artiste indé à la masse. J'l'ai assez rabâché tout ce temps. Passé à lâcher 16 sur 16. Ou comment survivre au travers de cette jungle urbaine? J'ai pensé à m'arracher. Comme un rage frère, il m'a fallu du temps pour qu'enfin je puisse l'admettre sur scène. Rohnin, barbare les poches vides. Vraiment marquer mon temps pour que mes frères et mes proches suivent. Écorché vif, je poursuis ma quête frère. Je me confine, maquette sur maquette. Allez donc leur dire qu'authentique jusqu'à l'écorche le suis. On part de rien, si pour toi c'est parler de rien. Alors prends ça juste comme l'itinéraire d'un simple cadet. Bouffer le bitume, fallait bien. Je suis qu'un franco-algérien, je connais le goût de la merde frère. Voilà pourquoi je ferme pas les portes. J'ai ramé sous le poids des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des biens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué, pris le droit de m'évader? J'ai ramé sous le poids des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des biens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué, pris le droit de m'évader? J'ai ramé sous le poids des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des biens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué, pris le droit de m'évader? J'ai ramé sous le poids des années. De quoi vous parlez quand vous dites que je n'ai rien à faire ici? Mais pourquoi vous me blâmez? Rien dans les poches, je me rapproche des biens dans l'effort. Vas-tu le faire quand il est échoué, pris le droit de m'évader?